c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Bonjour, bienvenue à Poche Pop Lifestyle et Music Show. Je m'appelle Rifile. On est ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui. J'espère que tout va bien avec vous. Maintenant, j'ai joué Adele avec Rolling in the Deep. Now, je vais jouer Zaho avec Amour Propre. C'est vrai que j'ai l'impression de tout le temps parler d'amour. Mais ceux qui en parlent plus sont ceux qui n'en ont pas beaucoup. On nous apprend combien ça coûte, on nous apprend pas même que la plus belle preuve d'amour est de s'aimer soi-même. Et si ton cœur est en titane, que les compliments n'y entrent pas, c'est un salaud le temps qui passe. Donne-toi ce que les autres te donnent pas. Tu peux voyager, te chercher quelque part, t'es ton meilleur coucher de soleil. Mais à force d'aimer les autres, c'est toi que tu oublieras. Prends de la hauteur, tu verras que ce froid s'en ira. Quand Zaho pleure dans les bras de Zahira. Prends de la hauteur, tu verras que ce froid s'en ira. Quand Zaho pleure dans les bras de Zahira. Si mon cœur revient d'ailleurs, ça ira, ça ira. Dans le pire comme le meilleur. Il s'agit d'amour propre, de nous-mêmes on est si proches et loin à la fois. Tu passes ton temps à aider les gens, et tu fais péter des gens. Ville la paix fait près des gens, remplis pas le cœur des gens. Moi-même mon amour, dur à dire j'avoue, mais j'apprends dès à présent à m'aimer jour après jour. Prendre la hauteur, tu verras que ce froid s'en ira. Quand Zaho pleure dans les bras de Zahira. Prendre la hauteur, tu verras que ce froid s'en ira. Quand Zaho pleure dans les bras de Zahira. Et si mon cœur regarde ailleurs, ailleurs, ça ira, ça ira. Dans le pire comme le meilleur, ça ira. Je m'aime, parfois je n'aime pas, parfois j'ai mal, parfois je t'aime, parfois je m'aime, parfois je n'aime pas. Ça ira, ça ira. Parfois j'ai mal, parfois je saigne, parfois je m'aime, parfois je ne m'aime pas. Parfois j'ai mal, parfois je saigne, parfois je m'aime, mais parfois je ne m'aime pas. She was just

Harmony, la FM en couleur. Ça, c'est Radio Ak Ensil. Je m'appelle Riffy Le et vous écouterez Poche Pop Music and Lifestyle Show. On est ensemble jusqu'à 16h. Aujourd'hui, j'ai joué Jims avec Jaskissi. Tout va bien et je crois que c'est le même pour vous aussi. Maintenant, je vais jouer Christina Perry avec A Thousand Years. Guérir les blessures. la peur de mes proches me lie à l'usure. Vous croyez que j'entends pas tout ce qu'on murmure. Je voulais protéger mon cœur, j'ai pas trouvé l'armure. Imène, tu vas oublier toutes ces déceptions. C'est ce que tous les gens me disent sans exception. Imène, ne calcule pas, ne te mets pas de mauvaise humeur. Rien, ta rumeur sur Twitter. Comment vous ne voulez pas que tout ça me touche? Parce que je suis populaire, je dois fermer ma bouche. La vie m'est dégoûtée, j'ai accepté d'encaisser. Mais je vous dis que m'y habitue pas, pas, pas. J'oublie mon public. Quand je suis en famille, je suis loin d'être pudique. J'oublie les réseaux, je suis loin de la musique. J'en ai tellement perdu que je veux rester près de mes proches. Tout ce qu'il me reste, c'est grâce à eux que je m'accroche. Je suis naturelle, j'aime pas me prendre la tête, c'est peut-être qui les gêne. Je parle de il ou elle au pluriel. Comment vous ne voulez pas que tout ça me touche? Parce que je suis populaire, je dois fermer ma bouche. La vie m'est dégoûtée, j'ai accepté d'en. Mais je vous dis que m'y habitue pas, pas, pas. You veins, oh. But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. I want to stop. We can't. Ça, c'est Posh Pop Music and Lifestyle Show. Je m'appelle Rifilwe. That was Imagine Dragons with a Believer. I like how there's a part where they want to stop playing and the punching. And it was like, no, you can't stop. Because you do not stop just because you're in pain. You stop when we are done, okay? And speaking of being done, right now I'm going to play Julien Doré avec Nu. Non, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello. Bien qu'on ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'écho, et quelques langues à défaire, pour les revoir se plaire. Nous, nous, nous, nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Nous, nous, nous, nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est en. Prendre tout tant qu'on est.

FM, la radio qui vous aime. Oui, ça c'est la radio qui vous aime. Ça c'est Poche Pop Music and Lifestyle Show. Je m'appelle Refilé, on est ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui. J'ai joué Luen avec Donne-moi ton cœur. Tu sais qui autre veut on donne notre cœur? C'est Kimora Lee Simmons. Oui, la femme, elle réveillait les véritables raisons de son retard à la télé-réalité. Dans une interview exclusive accordée, Kimora Lee Simmons a expliqué les raisons de son grand retard à la télé-réalité après plus de 10 ans d'absence avec l'émission Kimora Back in the Fab Lane. L'ancienne star de télé-réalité fait son grand retour sur les écrans avec sa nouvelle émission Kimora Back in the Fab Lane. La première diffusion aura lieu le 2 décembre, donc c'est demain. Mais pour cette femme de 50 ans, la nouvelle émission marque son grand retour un peu plus de 10 ans d'absence. Le changement de cap n'est pas tout à fait celui qu'elle imaginait. Après tout, Kimora a beaucoup agaré en tant que maman de 5 enfants. La créatrice partage sa fille Ming Lee Simmons, 25 ans, et Oki Lee Simmons, 23 ans, avec son ex-mari Russell Simmons, son fils de 16 ans, Kenzo Lee Onso, avec Jimon Onso, son fils de 10 ans, Wolf Lee, avec son ex-mari Tim Lesnar, ainsi que son fils de 15 ans, Gary Lee, qu'elle a adopté en 2020. Moi, j'aime bien Kimora Lee Simmons et je crois que cette vision, ça va faire très bien. Maintenant, je vais jouer Alan Walker avec Faded. You were the shadow to my life. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid I aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you? Where are you?

down angels like you. I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. C'est Posh Pop Music and Lifestyle Show, seulement à Radio Ak Ciel. Je m'appelle Refilo, on est ensemble jusqu'à 16h. J'ai joué les chansons Love Me Again avec John Newman et maintenant je vais jouer NASA avec les chansons Faut Pardonner. Sincérité qui coule en moi, mon ami, j'ai trop donné. S'il y a du mal qui coule en moi,

FM en couleur. Ça c'est Push Pop Music and Lifestyle Show. Sommes à Radio Ac en Ciel. Je m'appelle Réfi Loué et on a presque fini avec notre émission pour aujourd'hui, mais t'inquiète pas, il y a quelques minutes ensemble. Maintenant, j'ai joué Aya Nakamura avec Stormzy, la chanson Plus Jamais. Maintenant, je vais jouer A Great Big World featuring Christina Aguilera with the song Say Something. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. Stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. Avec excès, un est bon avec excès. guinguin jusqu'à Mexico. Paris, Marseille, Classico. Chambette de l'Atlético. Madrid récupère les tickets. Ça fume, la frappe t'es à la tort. T'as le roi, moi. C'est RS plutôt sportif quand on sort. Plutôt sport, bah. Dis-moi ce qui t'intéresse, Miami. Je m'en sors pas. T'achètes tous mes pas un cœur en or. Ça fume, la frappe t'en adore. C'est le danger. C'est RS plutôt sportif quand on sort. C'est en danger. Dis-moi ce qui t'intéresse, Miami. Je vais changer. T'achètes tous mes pas un cœur en or. C'est carré le S. Carrera S, plutôt je paye en espèces. C'est ça que j'en ai pris 6. On verra plus, garde la pêche. J'ai recompté la quiche. Et il manquait un verre, pas. Mais tu m'as rien dit. Allez, je perds pas mes avocats. Ah. Un peu comme Montana. Ah. Cigare à banane. Y'a 20 000 dans la banane. Et comme y'a 20K dans la banane, je dois esquiver la droite. C'est noir sur dos, c'est mieux qu'enlève ta loca. J'ai un peu de champagne dans la flûte. J'ai mis 2 points pour la suite. On m'avait prédit la chute, mais entre temps j'ai fait des hits. T'es max à coffee, puis je repars avec la voix. Elle fait des chichis, elle veut des sons du merco. Je m'en fume à la cheesy, trop de boulettes sur le dur. Baby, je suis un peu trop busy pour t'en donner encore. C'est carré le S, j'suis dans le carré. C'est ça que j'en ai pris 6. On verra plus, garde la pêche. J'ai recompté la quiche. Et il manquait un verre, pas. Mais tu m'as rien dit. J'parle comme mes avocats, ah. Un peu comme Montana, ah. Cigare à banane, ah. Y'a 20 000 dans la banane. Et comme y'a 20K dans la banane, j'dois esquiver la douane. C'est noir sur dos, ça. C'est mieux que t'enlèves ta loca. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ça, c'est Posh Pop Music and Lifestyle Show. Je m'appelle Rifile. Je jouais Capital Cities avec les chansons Safe and Sound. And right now, I'm going to share some sports news that happened over the weekend, okay? Un week-end chargé en émotion fort. Si les bail athlètes français ont parfaitement lancé leur saison olympique à Ostende, Suède, l'Andonneuriste devra lui attendre le week-end prochain pour potentiellement devenir le nouveau champion du monde de Formule 1 après la belle victoire dimanche de son rival Max Verstappen. Sur le terrain de foot, le leader du champion, le Paris Saint-Germain, est tombé de son piédestal après sa défaite sur les Rochers, au profit de l'un qui réalise une première partie de saison canon. Le week-end a aussi vu Sébastien Ogier s'adjuger un nouveau titre de champion du monde en rallye WRC, égalant le record absolu de Sébastien Loeb. Sport n'est rien raté et revient pour vous sur le moment sur fort de samedi le 29 et aussi le dimanche 30 novembre. Maintenant, je vais jouer les chansons Ma Sœur par Clara Luciani. Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque de foi. Je tiens dans ma main ton poing serré et rien ne peut nous résister puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Chaîne avait relié invisiblement nos poignets le jour où nous sommes nés. Alors si tu coules, je coule aussi et je tiens bien trop à la vie pour que ça puisse être permis. Personne n'a jamais ce serait facile, mais je serai.

suis ton ami. Les amis font ça toujours. Donc on va parler. Tu t'es plié en quatre pour un salaud. Et pour vous, tu t'es donné sans compter. Lui, il a planté le couteau. Et il a regardé ton sang couler. Et depuis, tu ne sors plus. J'ai demandé, on m'a dit, tu ne manges plus. Yeah. Mon avis, tu voulais. Oh. Ne pense plus à lui. Tu fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi, tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or. Que l'or. Pour un petit-fils de yeah, yeah. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme comme toi puisse tomber aussi bas. Tu l'aimais, lui il t'a fait payer. Aujourd'hui tu le maudis. Moi c'est toi que je maudis. Et tu vas comprendre pourquoi. Personne ne t'a forcé à rester. Non, non, personne ne t'a forcé à rester. Tu étais tellement fier de vous, fier de vous. Aucun homme ne pourra te faire tomber. Non, non, aucun homme ne pourra te faire tomber. T'es la fille de ta mère, le bijou de ton père. Ça se proche pop music and lifestyle show sûrement à Radio Arc and Ciel. Je m'appelle Refile. J'ai joué Tyke avec Ne Pense Plus. Maintenant, je vais jouer Ozaya, Take Me to Church. And also, I'm going to say thank you so much for your time. And on se voit lundi prochain. À bientôt. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen, amen, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death of good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog. contraire, mais je n'ai pas écouté. On me dit, n'en fais pas qu'à ta tête, je ne vais pas me laisser faire, je ne veux pas les écouter. Je veux que l'on m'entende, moi je vis comme ça me chante. Retiens le temps si tout s'arrête, fais-moi tourner la tête, vivante jusqu'au bout des doigts. Retiens l'été quand il s'arrête, j'ai le cœur à la fête, vivante jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts. J'ai compris en vérité, dans la vie on récolte ce qu'on a mérité. Au fond, on veut tous exister. Je n'ai un patient, je vais pas hésiter. Souvent la vie est une édité. Y'a des choses qu'on peut pas éviter. Trop d'ambition pour m'arrêter. Y'a pour mes filles que je peux tout plaquer. Je veux que l'on m'entende. Moi je vis comme ça me chante. São 3 horas, 2 nos Açores. Vamos conhecer as notícias que estão a marcar este 1º de dezembro. A ministra do Trabalho rejeita que alterações à lei laboral facilitem despedimentos. Sobre a greve geral, Maria do Rosário Palma Ramalho diz que as pessoas estão cansadas de greves por razões políticas. Foi protelada por mais algum tempo a declaração final de Volodymyr Zelensky e Emmanuel Macron após a reunião entre ambos em Paris esta manhã, mas são prometidas mais conversações com vista à paz no leste europeu. São notícias para desenvolvermos já a seguir no Jornal das Três. Nesta tarde de segunda-feira estão no Porto 13 graus, Coimbra com 14, Lisboa e Faro agora com 15, nas Ilhas, Ponta Delgada 16, no Funchal estão 18 graus. Jornal das Três, a edição é de Cláudia Martins. Nenhuma das alterações à legislação laboral que constam da proposta do Governo vai facilitar despedimentos. É o que diz a Ministra do Trabalho, rejeitando as críticas que têm sido feitas à reforma laboral pelas centrais sindicais, CGTP e UGT, e também por diversos sindicatos. Maria do Rosário Palma Ramalho sublinha, aliás, que é difícil despedir em Portugal e assim deve continuar a ser. Nenhuma das alterações que nós temos em cima da mesa sequer toca as questões dos fundamentos dos despedimentos, nem tornará os despedimentos em Portugal mais fáceis ou menos difíceis, porque eles são bastante difíceis e assim devem continuar a ser. Em Bruxelas, a ministra rejeitou as críticas de ter uma abordagem demasiado técnica e apontou ainda o dedo à greve geral marcada para o dia 11 de dezembro. Ela diz que as pessoas estão cansadas de greves políticas. Estas matérias ganham em ser tratadas do ponto de vista técnico, porque o que está em questão é nós termos melhores relações de trabalho, que satisfaçam mais os trabalhadores, que aumentem os seus direitos e garantias, mas que também permitam às empresas prosseguir o seu papel. E, de facto, é pena que nós, quando olhemos para estas matérias, pensemos de uma forma só política. Já estamos, se calhar, todos um bocadinho cansados de greves marcadas por razões políticas, como é o caso desta. Maria do Rosário Palma Ramalho disse ainda esperar que, durante a greve geral de dia 11 de dezembro, o cumprimento de serviços mínimos possa garantir que não é necessário recorrer à requisição civil. No Dia Mundial de Luta contra a SIDA, a Organização Mundial da Saúde deixa hoje o alerta: os cortes de financiamento internacional estão a comprometer a prevenção e tratamento do VIH-SIDA. São notícias que levam Cláudia Aguiar Rodrigues a que a resposta ao vírus esteja numa encruzilhada após décadas de progresso. Os desafios são significativos devido aos cortes nos financiamentos internacionais e à estagnação na prevenção. O alerta é dado pelo diretor-geral da Organização das Nações Unidas, que hoje, em comunicado, dá conta que ao longo deste ano vários programas essenciais para o combate ao VIH e a redução de danos para as pessoas que injetam drogas foram reduzidos ou totalmente encerrados em alguns países. Os esforços de prevenção estagnaram no ano passado, com 1,3 milhões de novas infecções, alerta a OMS, que teme que os esforços para acabar com a SIDA até 2030 estejam já comprometidos. A nível global, estima-se que mais de 40 milhões de pessoas viviam com VIH e 630 mil pessoas morreram por causas relacionadas com a infecção. No comunicado hoje divulgado, a OMS